Chapitre 5e. André ne t'a pas promené hier à Auteuil ? Christiane répondit. Non, je ne me suis promené qu'avec monsieur de Chagny. C'est singulier. Elle paraissait très absorbée par la pêche qu'elle pelait. Son mari reprit. Il ne te l'a pas offert ? Quoi ? Eh bien, mais de te promener ? Non, s'il me l'avait offert, j'aurais accepté. Je n'avais aucune raison pour ne pas me promener avec monsieur de Morière. Elle répondait distraitement. Le souvenir de sa promenade avec Chagny la ramenait à l'escalier de la tribune et à ce qu'elle avait entendu. Monsieur d'Argonne vit, aux vagues de son regard, qu'elle ne l'écoutait qu'à moitié, et il en prit un peu d'humeur. « Je te l'ai déjà dit, tu te fagotes. Oui, tu ne veux pas me croire, mais je suis sûr, moi, que si André ne t'a pas offert le bras, c'est uniquement à cause de ça. Mais je ne vois pas, moi, quel intérêt il y a à ce que monsieur de Morière m'offre ou ne m'offre pas le bras. » Il haussa les épaules. Depuis le commencement du déjeuner, cette idée le talonnait d'avoir avec sa femme une explication au sujet du peu d'attention que Morière lui accordait, et il avait attendu impatiemment le départ du domestique. Il reprit d'un ton cassant qui donnait à ses compliments une allure de reproche. « Tu es, sans comparaison, la plus jolie des femmes. J'entends des femmes qui comptent. Tu les dépasses toutes par ta beauté et par ton intelligence. » Elle fit un mouvement. Oh, pour ce qu'elle m'est utile, mon intelligence. Imperturbable, il reprit. Tu devais être remarqué par André. Tu étais désigné pour lui plaire entre toutes. Et j'avoue que je comptais un peu sur lui pour te styler en quelque sorte. Elle le regardait, stupéfaite. Il ajouta. Oh, je comptais sur lui comme ami seulement. Je te connais, j'étais tranquille. Tu es bien bon. Je suis sûr de toi. Car je t'avoue que pour ce qui est de lui, j'ai beau être son ami intime, je sais très bien que quand une femme est en jeu, rien n'existe plus. Il tromperait le bon Dieu si ça se trouvait comme ça. Non, je m'attendais à un flirt très vif, qui, grâce à toi, resterait un flirt, et je pensais que tu gagnerais beaucoup à ce jeu. Innocent ? Eh, mon Dieu, oui, très innocent, à mon sens. André devait être pour toi non pas tant un ami qu'un exemple, qu'un... Je ne trouve pas le mot. Un professeur de chic. À peu près. J'espérais qu'il te ferait perdre ta raideur. Je parle du moral, bien entendu, et que tu finirais par attraper ce que je ne sais quoi qui te manque. Et qu'à madame de Treuil ? Il rougit un peu. Et qu'à madame de Treuil, parfaitement. Mais revenons à nos moutons. Elle demanda avec ennui. Est-ce bien nécessaire ? Oui, je tiens à te faire comprendre certaines choses. Tu es intelligente, ma petite Christiane. Tu me l'as déjà dit. Mais tu es par instant une paresse d'esprit. Suis-moi bien, voyons. André te trouve belle, oui. Il l'a dit à Chagny, mais mal habillée. Il le lui a dit aussi, et il ne supporte pas ça. Il aime mieux une femme laide et délicieusement parée qu'une jolie femme qui ne sait pas se faire valoir. Et voilà tout simplement pourquoi il ne s'occupe pas de toi. « Moi, je crois que c'est surtout parce qu'il s'occupe d'une autre. » Monsieur d'Argonne demanda. « C'est de madame de Treuil que tu veux parler ?»« Oh, dis pas non. »« Mais je ne dis pas non. »« C'est vrai. » »« Morière lui fait un peu la cour, comme il te l'aurait fait à toi, si tu l'avais voulu. »« Peut-être aurais-tu trouvé que c'était un peu beaucoup. »« Comment ? Tu crois que... »« Allons donc. » »« Tu ne connais pas madame de Treuil. Elle est coquette, mais c'est la plus honnête femme du monde. » Christiane riait, prête à raconter ce qu'elle avait entendu la veille. Elle s'arrêta, pensant que ce serait vilain et méchant, et répondit seulement. « Laissons, madame de Treuil et monsieur de Morière tranquille, et dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je déteste ces discussions à côté qui ne mènent à rien. Tu veux que je m'habille autrement, c'est ça ? Je veux que tu sois une petite femme tout à fait chic. » Il se leva et vint l'embrasser. Elle le repoussa doucement, continuant à le questionner. « Où veux-tu que je me fasse habiller ? Est-ce chez Monteau ?»« Oui, c'est celui qui fait le mieux. »« Eh bien, c'est convenu. J'irai aujourd'hui. »« Veux-tu de l'argent ?»« Non, merci, j'en ai. » Elle savait qu'il ne pouvait pas dépenser davantage pour elle. Les 80 000 francs de rente de Jacques suffisaient à peine à leur train. Mais l'idée lui était venue de vendre ses diamants, qu'elle ne portait jamais, d'accord en cela avec son mari, qui trouvait comme elle... que des diamants doivent être très beaux ou ne pas être du tout. Ces diamants qui valaient, croyait-elle, 20 000 francs venaient de sa famille à elle. Orpheline, elle les avait en se mariant. Elle en pouvait disposer sans nuire à personne. Monsieur Dargonne reprit gentiment. « Quand tu n'auras plus d'argent, tu me le diras. »« Certainement, je te le dirai. »« Tu ne m'en veux pas de t'avoir fait ces petites observations. »« C'est dans ton intérêt, ma chérie. » Pour moi, tu es toujours adorable, parbleu, mais je voudrais te voir aussi belle pour les autres. Comprends-tu ça? Pour les autres, oui, parfaitement. Je comprends très bien. Et elle pensa. Les autres, c'est bien ça. Sa vie, c'est les autres. À 3 heures, elle s'arrêtait avenue Bosquet devant le petit hôtel de Madame de Givray, le cœur moins gros, débarrassée de son principal souci. Le bijoutier qui avait monté ses diamants au moment de son mariage venait de les lui acheter 26 000 francs, et elle comptait sur cet argent pour opérer rapidement la transformation que voulait Jacques. Avant d'aller chez Montaut, elle entrait un instant voir Rosette pour se remettre tout à fait d'aplomb. Madame de Givray était toujours chez elle de 2 à 4 heures, pour un tout petit nombre d'amis. Le concierge, inexorablement, répondait que Madame la Vicomtesse était sortie. Mais ceux qui avaient le mot d'ordre montaient directement au premier où elle recevait. Madame de Givray, enfoncée dans une bergère de vieille soie passée, lisait les demi-vierges. Elle se leva d'un jet, toute contente. « Vous êtes gentille de venir. Justement, puisque vous voilà, nous irons ensemble chez Madame de Bouillon à 5 heures. Voulez-vous ? Il y a 3 mois que je lui dois une visite. Moi aussi. » Et Christiane ajouta en riant. « Vous voulez voir le petit jeune homme ? Ah, le petit jeune homme. « Je l'ai vu hier, figurez-vous. Il est passé devant nous pendant que vous vous promeniez avec Chani. »« Il était avec Madame de Bouillon ?»« Oui, elle est venue le présenter au Treuil. »« Et à moi, par contre-coup. »« Il s'appelle Monsieur Fröhling. »« Quel garçon est-ce ?»« Un joli garçon, qui a l'air d'être son fils. C'est navrant. »« Et Monsieur de Bouillon, qu'est-ce qu'il dit de ça ?»« Dame, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ?»« Il fait comme toujours son métier de mari très correct. » Très ancien régime. Il emmène le jeune homme aux courses et à l'opéra. Il l'invite à dîner. Et il se garde de paraître surpris de la présence de cet ami nouveau. Songez donc. Voilà 30 ans qu'il remplit le rôle, ce pauvre Bouillon. Il a fini par entrer dans la peau du bonhomme. Pauvre homme. Ne le plaignez pas. Il est le plus heureux des maris, des pères et des hommes politiques. Il trouve que la vie est bonne et que les hommes sont exquis. Alors, c'est convenu? Nous allons à 5 heures voir Madame de Bouillon. Si vous voulez. Mais il faut avant que je passe chez Montaut. Oui, ça vous étonne. Mais Jacques me trouve mal habillé, alors je vais essayer de... C'est absurde. C'est mon avis. Mais je ne veux pas le contrarier pour une chose si peu importante, et puisqu'il croit que je serai mieux. La petite de Givray toisa avec admiration Christiane. Il ne vous trouve pas bien comme ça. Matin, il est difficile, monsieur Dargonne. « Est-ce que votre mari ne vous fait jamais d'observations de ce genre ?»« Oh non, Henri me trouve toujours bien. » Elle ajouta, en riant. « Parce qu'il ne me regarde jamais. » Une porte, placée derrière Christiane, venait de s'entr'ouvrir doucement. Madame de Givray cria. « Entrez, mais entrez donc, c'est Madame Dargonne. » Et s'adressant à la comtesse, « C'est André et Henri qui sont là. » Monsieur de Morière fit à Christiane un si cérémonieux salut que, tant soit peu désorientée, elle ne lui tendit pas la main comme elle le faisait jusque-là. Elle sentait peser sur elle les beaux yeux câlins, un peu voilés, qui l'épluchaient impitoyablement. Elle devinait qu'en ce moment même, M. de Morière trouvait ses manches trop plates, son chapeau trop simple, ses cheveux trop lisses. Elle rentra machinalement sous sa chaise son pied, un pied merveilleux qu'il regardait, parce que ses petits souliers vernis avaient des talons Louis XV et qu'elle savait que le chic veut des talons anglais. Elle se voyait glisser aux puérilités qu'elle blâmait chez les autres et elle ressentait une colère de cette faiblesse. Le marquis demanda. « Jacques va bien. »« Très bien. Il a dû, je crois, aller chez vous. »« Non, nous nous sommes donné rendez-vous au club avant le dîner. »« C'est ça. Je savais qu'il devait vous voir. » Elle se sentait mal à l'aise. Elle se leva et dit à Rosette. « Alors ?» À 5 heures, rue Saint-Dominique, nous allons séparément, n'est-ce pas ? Oui, je crois. Il vaut mieux ne pas avoir l'air de se mettre à deux pour faire ça. Monsieur de Givray demanda. Pour faire quoi ? Une visite à Madame de Bouillon. Morière fit un mouvement et sa cousine, qui s'en aperçut, pensa. On dirait que ça le gêne. Au bout d'un instant, il dit. Une idée ? Si j'allais aussi chez cette bonne Madame de Bouillon, Je lui dois une visite depuis 3 ans, moi. » Rosette le regarda, convaincue qu'il devait retrouver chez la princesse Madame de Treuil, et elle se dit « Nous verrons bien. » « Prenez garde. N'arrivez pas l'un derrière l'autre comme des canards qui ont avalé une ficelle, » recommanda Monsieur de Givray. Il ajouta, sans malice, « S'il allait arriver, comme par hasard, un quatrième... » « Ça se pourrait bien, » dit Rosette, qui riait en louchant sur Morière. « Mais qu'est-ce que ça fait ?»« Ça fait que ça n'aura plus l'air nullement préparé. Et vous savez, elle est plutôt sur l'œil, cette bonne Madame de Bouillon, que, pour ma part, je ne trouve pas bonne du tout. »« Mon Dieu !» fit Christiane, regardant la petite pendule en pire. « Il est 4 heures. Il faut que je me sauve. Je n'aurai plus le temps de faire mes courses. » André de Morière tendit la main à sa cousine. « Au revoir. Je pars en même temps que Madame d'Argonne, si elle le permet. » Rosette posa sur lui ses yeux rieurs. « N'oublie surtout pas de venir à 5 heures rue Saint-Dominique. » « Alors, madame, vous me permettez de vous mettre en voiture ?» demanda Morière en descendant à côté de Christiane le joli escalier hollandais. « Mais oui, je vous le permets. » Elle exagérait son sourire, affectant une liberté de ton et d'esprit qu'elle n'avait pas. Le malaise de tout à l'heure persistait. Non seulement elle se savait juger avec malveillance par le marquis, mais elle ressentait devant lui cette espèce de curiosité craintive que ressent, en présence d'un homme à bonne fortune, une femme très pure. Elle se disait aussi que si elle ne parvenait pas à plaire à ce monsieur si difficile, Jacques ne la trouverait plus jolie. Et lui, resté un peu en arrière pour la voir descendre, pensait « Elle n'a pas la taille très fine. Elle est souple certainement, mais trop. C'est une souplesse de grand fauve. » Il la fit monter dans le coupé et, son chapeau à la main, il l'interrogea du regard. Elle dit « Je vais chez Montaut. » De sa voix un peu chantante, il répéta l'adresse au cocher. Et elle crut remarquer que depuis qu'elle avait prononcé le nom du couturier, il la regardait avec plus de douceur. Christiane arriva la première au rendez-vous. Madame de Bouillon était seule. Comme Rosette, elle lisait les demi-vierges, et elle déclara que c'était vraiment un livre merveilleux, vécu, cruel et palpitant. Un instant après, Madame de Givray entra, puis Morière, qui s'étonna avec aplomb de l'heureuse chance qui les réunissait. La conversation languissait un peu. Chacun suivait son idée sans faire attention à la princesse. Madame d'Argonne, occupée de chiffon pour la première fois de sa vie, pensait que Montaut l'avait comprise et ne chercherait pas à faire d'elle la banale poupée qu'elle ne voulait pas devenir. Et elle se réjouissait du contentement de Jacques, qui aurait enfin la femme souhaitée. André trouvait que la baronne n'arrivait pas vite. Rosette commençait à craindre de s'être trompée dans ses pronostics. Si Madame de Treuil ne venait pas, ça serait bien moins drôle. Elle regardait fixement la porte, guettant l'entrée qu'elle espérait. Ce fut Chagny qui parut. Il arrivait, l'air résigné, et sa bonne figure s'éclaira en apercevant des visages amis. Ne se doutant pas qu'il trompait la tante, il s'étonna d'être accueilli aussi froidement. Enfin, la baronne parut. Éblouissante, dans une robe de Pékin changeant Ophélie et rose, avec un fichu princesse de Lamballe en vieux point, une capeline de riz couverte d'hortensias de 3 couleurs. Sa longue taille, infiniment mince, arrondie par les effets combinés du corset et du Pékin, paraissait vraiment belle et élégante. Son teint, souvent un peu jaune, semblait, au voisinage de ses nuances fines, avoir acquis une transparence inconnue. Elle rayonnait, et Christiane, effacée dans sa robe de voile gris cendre, se dit, en pensant à son mari et à M. de Morière, « Ils ont tout de même raison. La toilette, ça sert à quelque chose. » Madame de Treuil s'était assise après avoir salué et distribué des poignées de main. Tout à coup, elle prit son lorgnon d'écaille blonde perché sur un long manche chiffré de diamants et s'écria « Ah, monsieur de Morière, vous aussi vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. » Il se leva, un peu agacé. « J'avais l'honneur de vous saluer, madame. » « Pardon, je suis tellement distraite. » Cette belle personne, correcte et froide, qui calculait ses moindres mouvements et ses moindres paroles, ne donnait pas du tout l'idée d'une distraite, et Madame de Givray en fit malgré elle la remarque. Distraite, on ne le dirait pas. La baronne prit le livre posé sur la petite table devant Madame de Bouillon. Ah, vous lisez les demi-vierges. Moi, je n'ai pas encore eu le temps. Est-ce que c'est joli? La princesse s'écria, lyrique. C'est merveilleux, c'est vécu, palpitant, cruel. Et s'adressant à Madame de Givray, « Vous l'avez lu, N'est-ce pas que c'est vrai, que c'est bien ça ?» Sincère, Rosette répondit « Je ne sais pas. C'est peut-être ça. Mais à moi, ça me fait l'effet d'être de la vie galante et des grands vices pour épicier. »« Oh !» fit la princesse, suffoquée. C'était Dantin qui lui inspirait une confiance absolue, confiance que lui inspiraient d'ailleurs tous les hommes qu'elle connaissait, qui lui avait apporté les demi-vierges en lui disant que c'était un livre vécu, cruel, etc. Et ayant lu, elle gardait la conviction faite avant la lecture. Ce jugement si différent la confondait, et la plongeait dans un doute pénible car son gros bon sens lui disait que Madame de Givray pouvait bien avoir raison. Rosette reprit. Par exemple, j'ai trouvé ça très amusant, et sinon très vécu, très vivant. Madame de Bouillon se raccrocha. Oui, très vivant, n'est-ce pas? Oh, moi d'abord, j'adore Marcel Prévost. Elle se tourna vers Morière. Et vous? Il avoua qu'il lisait habituellement fort peu. Le club, le cheval, les courses, la salle d'armes, le polo, le tennis et les visites absorbaient presque tout son temps. Depuis 2 ans surtout, il n'avait pas ouvert un livre. On lui avait bien parlé à Calcutta des mémoires de Marbot. Un Anglais les lui avait même prêtés pour les lire en bateau. Mais ils avaient dû filer par le hublot de sa cabine car il ne les avait jamais revus. Madame de Bouillon s'adressa à Christiane. « Et vous, Madame d'Argonne, vous devez aimer Marcel Prévost ?» Elle répondit. « J'aime beaucoup, beaucoup le scorpion. »« Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis que j'aime le scorpion. » »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est, je crois, le premier livre de Monsieur Prévost. C'est du moins le premier que j'ai lu. » La princesse reprit avec enthousiasme. « Je ne sais pas comment est son scorpion, mais ses femmes, elles sont exquises. Celles de l'automne d'une femme, surtout. Avez-vous lu « Automne d'une femme » ?»« Ce qu'on aime dans un livre, » dit Jeannie, distrait, pensant à l'âge et aux aventures de Madame de Bouillon, « c'est ce qu'on y trouve se rapportant à soi. Ce qu'on aime partout, en somme, c'est soi-même. » La princesse se leva sans répondre pour servir le thé, et Madame de Givray, se levant aussi pour l'aider, dit tout bas à Chagny en passant devant lui. « Vous me l'avez volé, cette gaffe-là, mon bon Chagny. Heureusement, vous êtes quelquefois où je suis. » Sans ça, le comte Salomon entra. Il avait un costume trop jeune avec, à la boutonnière, un bouquet trop gros, et le visage de la baronne se rembrunit tandis qu'elle regardait anxieusement Morière. Son père avait l'habitude de l'interpeller sans cesse en l'appelant Agar, et elle abhorrait ce nom pourtant si joli. Et puis, elle devinait que le marquis trouvait ignoble ce gros homme vulgaire qui parlait très haut, agitant violemment autour de lui des mains déplorables. Quant à la princesse, elle redoutait la visite du banquier, non pas tant parce qu'il n'était pas décoratif, que parce qu'il avait la rage de s'asseoir sur de merveilleuses petites chaises Louis XVI qu'il écrasait de son corps énorme et maladroit. Elle manœuvrait depuis un instant, cherchant à l'installer avec sa tasse de thé sur un meuble solide, lorsque le marquis de Fercy arriva, rouge, l'air furieux, ses gros sourcils gris relevés en houppe, barrant de leurs lignes dures son front honnête. Il venait de la chambre, et il était ainsi hérissé chaque fois qu'il en venait. C'était un de ces très rares députés de la droite à qui toutes les compromissions louches, les besognes équivoques, les votes de complaisance et les ralliements sont inconnus. Le jour où un collègue était venu lui expliquer qu'il devait, en vue des élections prochaines, emboîter le pas et faire risette à la République, quitte à lui donner le croc en jambe final quand l'heure en serait venue, il avait failli d'abord étouffer d'apoplexie. Puis il s'était ravisé, se contentant d'envoyer au collègue ahuri une formidable gifle, soulignée le lendemain d'un coup d'épée bien allongé. On avait décrété que le père Fercy était un vieil encrouté, une baderne négligeable, mais, depuis lors, personne ne lui avait offert d'entrer dans des combinaisons électorales malpropres. Au lieu de renier ses vieux principes, auxquels pourtant il ne croyait plus guère, il les affirmait plus que jamais, et ses électeurs l'avaient malgré tout envoyé au Parlement avec une superbe majorité. Il voulait l'homme, et pour l'avoir, tolérait ses idées. Monsieur de Fercy était l'oncle de Madame de Bouillon, qui le jugeait un peu rococo, mais qui l'aimait beaucoup. Les habitués de son salon ne le trouvaient pas de leur goût. Il haïssait d'une haine sauvage les faux noms, les faux titres, et en général tout ce qui est reluisant et frelaté. Et puis, il avait la manie de connaître les tenants et aboutissants de chacun, et il sautait en l'air quand, chez sa nièce, il entendait parler quelqu'un d'un nom éteint depuis 100 ans. Il trouvait qu'elle était d'un monde qui devait se suffire à lui-même, sans se panacher de chevaliers d'industrie et de rasta, et n'admettait pas que, sous prétexte de belles fêtes ou de collections ou d'œuvres de charité, on fréquentât des gens dont le seul mérite est d'avoir beaucoup d'argent mal acquis. Et précisément, il venait à peine d'entrer et Madame de Givray s'occupait de le servir, quand le comte Dupuis montra sa petite tête déprimée de belette dans l'embrasure d'une porte. Dupuis était la bête noire du vieux marquis. Certes, il n'était pas plus taré que Dantin ou que Château-Landon, que sa nièce recevait aussi, on ne sait pourquoi. Non, mais il était plus laid. Et laid de cette laideur malsaine et chétive qui indignait Monsieur de Fercy. Dantin et Château-Landon étaient du monde et on les subissait comme dans un troupeau, on subit le frottement de bêtes malades. Mais ce Dupuis, d'où sortait-il cet animal-là? Et Dupuis, vaguement inquiet, craignant que ce maniaque n'opérât quelque part des fouilles le concernant, sentait se cailler son misérable sang dans ses veines à la seule vue du marquis. Plusieurs fois, le vieillard, le prenant à partie, l'avait accablé de questions sur sa famille, sur son pays, sur ses origines. Et comme Dupuis, malgré son infinie couardise, fut mort plutôt que d'avouer qu'il était le dernier né d'un herboriste de la rue Soufflot, il n'abordait pas son ennemi sans que son cœur battît très vite. Il est de fait que le vieux marquis avait une façon de demander, en dévisageant les nouveaux venus rencontrés chez sa nièce, où le monde entier défilait. « D'où sort-il encore, celui-là? Je voudrais savoir son nom, qui inspirait aux intéressés de justes craintes. Et quand on lui avait dit un nom français, nom de bourgade ou de fief quelconque, il s'entêtait. Non, c'est pas ce nom-là que je veux savoir, c'est l'autre, le vrai. » Et s'acharnant, il arrivait à prouver que son vieux flair ne l'avait point trompé et se faisait dans tous les coins d'irréconciables ennemis. Bon garçon, d'ailleurs, ne jouant pas au vieux romain, et indulgent comme pas un à toutes les peccadilles qui ne salissent pas. Il méprisait grandement la plupart des gens qu'il coudoyait, mais il ne témoignait qu'en homme bien élevé ce mépris aimable et plein d'humour. Profitant de ce que M. de Fercy causait avec le colonel de Triel qui venait d'entrer, Dupuis se glissa, sinueux, à travers les fauteuils en désordre et parvint à saluer la princesse qui, en le voyant, avait surveillé son oncle d'un œil inquiet. Christiane buvait son thé, silencieuse, regardant malgré elle Morière qui cherchait à rejoindre Madame de Treuil sans attirer l'attention. Et se souvenant des paroles surprises la veille, elle se répétait machinalement. « Jeudi, ce sera jeudi. » Elle ne pouvait se figurer la baronne que très parée et couverte de bijoux, telle qu'elle la voyait en ce moment, droite et cambrée dans les reflets changeants de sa robe. Toute peau simple ou abandonnée lui semblait incompatible avec son attitude habituellement majestueuse et même avec son genre de beauté. Examinant aussi Morière, raide et compassée dans sa redingote grise, avec sa haute cravate habilement chiffonnée, son pantalon marqué aux deux jambes d'un pli net, ses cheveux soigneusement coiffés, elle se disait que ces deux êtres, si bien faits d'ailleurs pour se comprendre, devaient être drôles à un rendez-vous d'amour. Et comme elle avait le sens du comique et la perception des images, elle se mit à rire toute seule en y pensant. Chagny, qui tendait la main pour recevoir sa tasse vide, lui demanda « Qu'est-ce qui vous réjouit si fort ?» Elle rougit, prise à l'improviste, ne sachant comment expliquer sa gaieté. Il reprit « Je parie que vous guettez l'abordage du père Fercy et de Dupuis. Vous avez le temps. Ça ne sera pas encore tout de suite. Pour l'instant, M. de Fercy est bloqué par le colonel Lapioche. » « Pourquoi appelez-vous M. de Triel le colonel Lapioche ?»« Parce que quand il tient un sujet de conversation, il le creuse, comprenez-vous ?»« Oui, » dit Christiane en riant. Elle regardait maintenant l'ensemble du grand salon, joli à voir ainsi égayé par les toilettes, les fleurs, le murmure de l'eau qui bouillait, les petits heurts des verres sur les plateaux de cristal, le brouhaha des voix et des sièges remués. Madame de Vaudancourt était là, gazouillante et sautillante dans une fraîche robe jaune qui lui donnait un air de petit serin tapageur, agaçant mais gentil. Il y avait aussi Pierre de Bernès, un franc et amusant garçon, officier que la vie militaire n'était pas parvenue à abrutir, singulier mélange de Gavroche et de Paladin, actuellement en congé, venant d'Afrique et pas plus dépaysé que s'il eût quitté Paris la veille. Tout ce monde remuait, riait, caquetait, charmant à regarder vivre. et la comtesse montrant dans le rayon poudreux et ensoleillé qui filtrait à travers les stores la jolie petite tête vide de madame de Vaunancourt, dit tout à coup à Chani « Ça serait amusant de voir les âmes comme on voit les visages. » Il prit un air étonné. « Les âmes. Où voudriez-vous en voir des âmes ? Pas ici, je pense. » Elle répondit, surprise. « Comment ? Vous êtes si désenchanté que ça ?» Il protesta. « Moi ? Désenchanté, jamais de la vie. Je suis content de tout et je trouve tout charmant. Mais l'idée ne me vient pas de chercher, par exemple, des oiseaux qui aient du poil. Ah ! Vous croyez que je demande trop ? Je suis sûr que vous demandez l'impossible. Alors vous pensez que dans le monde, il n'y a pas ce que j'entends, ce que vous entendez par une âme ? Si, il y en a même ici, des âmes. Évidemment, la vôtre et la mienne, d'abord. Et puis aussi celle de madame de Givray. Une bonne petite âme, très solide, qui a tête et pattes. Et même bec et ongles ? Oui, mais seulement quand il faut. Donc, nous avons l'âme de madame de Givray, la vôtre et la mienne. Ça ne fait pas beaucoup sur, voyons, combien sommes-nous ? 12, 17, 19. Nous sommes 19. Mais il y a encore monsieur de Fercy, qui a une belle âme bien conservée, incapable d'une défaillance. Et Bernès, une âme exquise. Comme qui dirait l'âme d'un bébé qui la connaîtrait dans les coins. Et après ? Après, dame, après. Un point, c'est tout. Étonnée, elle demanda. « Et votre ami, Morière ?» Chani répondit mollement. « Oui, sans doute. Mais l'âme d'André est trop chic pour moi. Je ne suis pas à la hauteur, alors je ne la connais qu'imparfaitement. » Madame de Treuil allait poser sur une table sa tasse. Morière s'élança. « Permettez, madame. » Très bas, elle murmura. « Vous ne m'avez pas dit le numéro. » Il répondit, un peu interdit. « Ah oui, c'est vrai. Je vous le dirai demain matin, au bois. » Chani se retourna en riant vers madame d'Argonne qui regardait. « Ça vous amuse, hein, ces petits apartés, à présent que vous êtes au courant. Eux, ils ne se doutent guère que deux personnes savent l'emploi de leur journée de jeudi. Et quand je dis deux personnes, il y en a au moins trois. Trois ? Oui, nous deux et d'Argonne. Vous avez dû lui raconter ça. « Mais non, » fit Christiane un peu froissée, « je ne lui ai rien raconté du tout. » « Non ? Ah, c'est gentil, ça. Vous pouvez vous vanter d'être une femme rare. » Quelques-uns partaient, d'autres se rasseyaient, reformant le grand cercle de sièges tourmentés et confortables. La voix de M. Salomon s'éleva, un peu pâteuse. Il continuait une conversation commencée avec le colonel de Triel et M. de Fercy. « J'ai acheté cette commode à Gand, dans la maison où le roi Louis XVIII est mort. » La marquise ne protesta pas, mais le colonel rectifia. « Louis XVIII n'est pas mort à Gand. »« Comment ? » fit le banquier inquiet de l'authenticité de sa commode. « Il n'est pas mort à Gand, vous êtes sûr ? Mais si, il a dû y mourir. »« Mais je ne crois pas, » dit le colonel, à qui cet aplomb commençait à donner des doutes. M. Salomon reprit. « Alors vous croyez qu'il n'a pas été à Gand, le roi Louis XVIII ?»« Si, » cria M. de Fercy agacé, « mais pas pour y mourir, malheureusement. »« Ah bon ? » Du moment où il y est allé, ça m'est égal. Ma commode a pu lui appartenir. Elle est d'ailleurs très belle sans ça. » Madame de Treuil regardait avec indignation le banquier qui souriait, rassuré sur sa commode. Au même instant, Morière dit, sans penser à mal, « Je ne tiendrais pas du tout à voir un objet qui eût appartenu à Louis XVIII, moi. Il était trop laid. »« Qu'est-ce que ça fait qu'il soit laid ?» répondit avec assez de raison le comte Salomon, qui aimait son meuble. Pourvu que la commode soit jolie. » Morière expliqua. « Moi, je ne peux pas isoler les gens ou les objets qui ont vécu dans le voisinage de gens ou d'objets vilains. Je les réunis malgré moi à ces laides choses, et ils se déparent ainsi dans mon esprit. » « Alors, » dit Chani, « tu dois souvent souffrir, car on voit de singuliers assemblages. Je crois bien que je souffre. Il suffit d'un vilain mari pour me démolir une femme, ou d'un vilain convive pour me gâter un dîner. » La baronne regarda furtivement son père, et ensemble, Chani et madame de Givray eurent cette même pensée. « Le père Salomon ne dînera plus chez sa fille quand Morière y sera. » À 6 heures, M. Fréling entra. C'était un tout jeune homme, très blond, avec une jolie figure aimable. Dans un silence inquiétant, il s'avança vers la princesse qui le mangeait des yeux, lui baisa la main, s'assit et ne prononça pas un mot.